à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h-19h sur Radio Guémozo 107 FM. Aujourd'hui, on a décidé de parler de sport et aujourd'hui, j'accueille avec moi le groupe du Tio d'escalade. J'ai avec moi Manolo, Nina, Patrick et Arnaud. Bonjour tout le monde. Bonjour la radio. Oui, on en profite aussi pour faire un bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent alors ou directement sur leur poste ou avec internet. Et puis voilà, on va déjà commencer par parler du groupe de grimpe, parce qu'on parle d'escalade mais on parle de grimpe aussi. Et on va peut-être demander déjà depuis quand le groupe existe. Alors ça fait une paire d'années. Alors déjà, je salue la radio Guémozo de nous avoir invités. Je remercie mes confrères, que ce soit Manolo, Nina ou Arnaud, d'être avec moi pour discuter justement de l'escalade. Donc c'est un club qui a aujourd'hui 22 ans. J'ai créé ce club-là en 96 suite à une découverte. J'avais découvert l'escalade, j'avais à peu près 16-17 ans. Et à la suite d'un brevet d'état judo, j'ai eu la chance de participer à un stage d'escalade qui donnait le droit à un initiateur en escalade. Donc là, j'en ai profité. Et quand je suis arrivé au TIO après mon embauche à la ville, j'ai proposé donc la création d'un club. Et on a fait donc ce club en 96. Oui, c'est ça, 96. Donc au départ, c'était une section du judo, parce que j'avais pas assez de membres pour créer l'association. Donc je faisais le secrétaire, le trésorier, l'entraîneur, le président, le nettoyeur, enfin je faisais tout. Et au fur et à mesure que les années ont passé, il y a un groupe qui s'est créé, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est grâce à ce groupe-là que j'ai pu proposer la première présidence à Francis Perry, donc, qui a été président une bonne douzaine d'années, je crois, jusqu'à 2010, si ma mémoire est bonne, d'après les fiches que j'ai regardées après-midi. Ensuite de ça, donc, nous avons eu Laetitia, donc la nièce à Manolo. C'est ça, ma nièce. Pendant 2 années, et puis j'ai repris, on va dire que c'est un peu la roue qui tourne, c'est-à-dire que j'ai repris depuis maintenant 4 ans la présidence, du fait qu'il y avait le noyau qui s'était un peu éclaté, on avait du mal à retrouver du monde. Voilà en ce qui concerne l'historique du club d'escalade. Voilà. Si je récapitule, c'est un peu toi qui as créé ce groupe, hein, c'est ça? Tout à fait. Oui, je suis le président, fondateur. Il en faut un. Oui, bien sûr. Je suis content de l'avoir fait. Et puis aujourd'hui, vous voyez bien, ça fait 22 ans, je suis toujours là. Puis j'espère encore être là pendant un peu longtemps. Et en passant, bien sûr, le relais à des jeunes comme Nina, éventuellement, comme Arnaud, donc qui sont là pour nous seconder, quoi. Et d'ailleurs, dès la création, le mur a déjà été créé, parce que bon, pour grimper, il faut un mur, ce qui semble tout à fait logique, et des prises. Donc, la ville du Tio donc, a créé la salle omnisport, enfin, a construit la salle omnisport, il y a eu un mur qui s'est fait, donc c'était à l'époque, c'était une entreprise de Labresse qui s'appelait Granny Rock. D'ailleurs, on retrouve le même mur sur la salle de Labresse. Et donc, c'était un peu à l'époque. Des murs d'escalade, il y en avait un peu partout, ça construisait un peu partout, mais ils ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds, quoi. Aujourd'hui, on espère, je lance un appel justement à la ville du Tio, d'agrandir ce mur. Il y a eu un projet qui avait été fait il y a 7-8 ans pour agrandir d'une bonne douzaine de mètres la structure, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le mur... connaissez tous, même toi Lou. Ah oui, mais les auditeurs, c'est vrai que les auditeurs, ça, je fais aussi partie du groupe de grimpe, voilà. C'est pour ça que je les ai fait venir, mais bon, ils ne le savaient pas. Ah, ben voilà, la chose est précisée. Donc ça, c'est l'idée, quoi. C'est un peu l'idée, voilà, dans un avenir, soit proche, soit un petit peu lointain, d'agrandir justement la structure pour avoir quelque chose qui puisse, pour les membres, persévérer, mais... Évoluer aussi. Voilà, puis évoluer vers quelque chose de correct. D'accord. Et donc, tu disais, le mur n'est pas très très grand. Et en parlant de mur, est-ce qu'il y a différents types de murs? Alors des murs, il y en a aujourd'hui avec la conception de nouveaux matériaux, il existe toutes sortes de murs. Nous, on a un mur très basique, c'est-à-dire c'est du contreplaqué avec des prises, des simples prises avec une trame qui est pas top parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop. Vous avez des murs comme pyramide, entreprise, qui aujourd'hui, on retrouve pratiquement l'aspect presque naturel à l'intérieur d'une salle. Oui. D'ailleurs, on verra tout à l'heure avec Arnaud, dans son nouveau projet, enfin dans un futur projet, où on retrouve justement des modules qui sont à l'identique de l'extérieur. Donc, justement en salle, quoi. Comme tu le disais, le projet d'Arnaud est en lien avec la demande, avec la mairie. Non, je pense que c'est quelque chose de différent, mais qui peut se jumeler, je dirais, qui peut se jumeler, qui va avec, et avec l'évolution de la grimpe aujourd'hui, parce que d'ailleurs, on n'a pas discuté, mais... nous, on fait partie de la Fédération française de la montagne et d'escalade, hein, c'est-à-dire la FFME. Et on vient d'apprendre dernièrement qu'on était passé au-dessus de 100 000 licenciés. Donc là, c'est en pleine évolution. Et je pense que les années à venir vont faire que l'escalade va aller de plus en plus haut. D'accord. Un jeu de mots, on grimpe, comme on dit. Oui, comme tu le disais. Et on a parlé de murs, donc on a un petit peu parlé de matériel, mais globalement, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour constituer un groupe d'escalade ou un club ? Déjà, bon, comme tu disais, je pense que mes collègues vont un peu apporter aussi leurs idées, mais c'est vrai qu'il faut un mur, il faut le minimum de matériel, c'est-à-dire c'est le baudrier, la corde, quelques dégaines. Alors après, je ne veux pas rentrer dans la spécificité du matériel, mais c'est vrai que le matériel de base, c'est le baudrier, les chaussons, la corde. Et un système d'assurage. Tout à fait. Un système d'assurage. Voilà le matériel de base, quoi. Et tu parlais de système d'assurage, Manolo. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste ? Un système d'assurage, c'est un système qui sert, en fait, quand on grimpe, il faut obligatoirement un grimpeur et un assureur. Donc, le système d'assurage sert beaucoup à l'assureur pour pouvoir aider le grimpeur à grimper et à atteindre le haut de sa voie pour pouvoir grimper tout en assurance. Pour être assuré, en cas de chute ou en cas de quoi que ce soit, pour pouvoir ne pas se retrouver au sol. Voilà. Qui est un système d'assurage. Après, il y en a beaucoup aujourd'hui des systèmes d'assurage. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas rentrer ou donner tous les systèmes qu'il peut y avoir. En effet, c'est vrai qu'il y a différentes façons de faire, différentes manières de servir de son matériel. Et aussi, on a parlé de murs, on a parlé de matériel. Est-ce qu'il y a différentes façons de grimper pour nos éditeurs, bien sûr? Oui, tiens, on va laisser pas Arnaud parler, comme ça, ça... Oui, il y a plusieurs façons. Il y a la façon traditionnelle avec une corde, on appelle ça la difficulté. Et puis il y a aussi, ça s'est pas mal démocratisé depuis pas mal d'années, c'est ce qu'on appelle le bloc. Là, on peut pratiquer ça tout seul. C'est des murs qui font 4 mètres 50 de haut. Et là, la réception se fait sur des gros tapis ou... Il n'y a pas besoin forcément de corde pour amortir les chutes. Quoi. Oui, je vais peut-être juste suggérer, on a un petit souci technique, donc je vais juste suggérer à Patrick et à Arnaud de partager leur micro parce que je crois qu'on a un léger souci. Je suis vraiment désolée pour le contretemps. Je me rapproche. Ce sera plus simple comme ça. Du coup, c'était qui avait un problème ? C'était moi, alors ? Oui, c'était le micro numéro 6. C'est des choses qui arrivent. Hein. Comme je le répète à nos éditeurs, je reprends à peine les émissions. Donc, déjà, oui, c'est les aléas du direct. Et puis, c'est ça, c'est se remettre en selle. Hein. Ça arrive, les couacs. Et ça montre que voilà, oui, on est humain, après tout. C'est se remettre en baudrier, parce qu'en selle, c'est... Oui, bon. L'avantage, Arnaud, c'est que tu as le droit à une deuxième chance. Voilà. Donc, du coup, je disais, il y a déjà deux principaux. Donc c'est la difficulté, c'est avec la corde, comme disait Manolo avant, où on grimpe en duo. Et il y a depuis quelques années, l'escalade de bloc qui s'est développée. C'est le but de gravir des murs de 4-5 mètres maximum. Et on peut être tout seul parce que la chute s'amortit par des tapis conséquents, quoi. Donc assez, oui, des tapis assez épais, j'imagine, plus épais pour pouvoir amortir des chutes qui peuvent parvenir voilà, depuis 4 mètres. Quoi. L'avantage du bloc aussi, c'est qu'on peut le faire en extérieur aussi, sur les petites roches. Donc là, on se sert de tapis un petit peu moins épais qui s'appelle des crash pads, mais c'est pas mal aussi. Quoi. Et en parlant d'extérieur, justement, est-ce qu'on peut grimper si on a envie un petit peu partout dehors ou pas? Bah, grimper partout dehors, on peut grimper n'importe où, mais après, il faut faire attention à la sécurité. Il faut connaître le mur, voir s'il est vérifié régulièrement. On ne va pas s'attaquer à un mur où il n'y a pas des endroits pour pouvoir s'attacher, tout ça. Donc, faut quand même respecter des sites où des gens vont grimper, où c'est sécurisé, contrôlé surtout par les fédérations. Parce que les fédérations, on en a deux. On a la FFME, comme disait Patrick, et on a le CAF, quoi. C'est le club alpin français, donc après, on ne va pas attaquer une roche qui n'est pas équipée non plus. Après, c'est au risque péril des gens, mais bon, il ne faut pas être bête non plus. Quoi. Oui, bien sûr, au risque de se faire très mal, voire plus, j'imagine. Après, je pense, pour en revenir à l'extérieur, je pense qu'il faut quand même un minimum de connaissances. Donc là-bas, c'est déjà de venir en club, de prendre des cours en club pour avoir les bases, parce que c'est quand même... Il faut grimper en sécurité, voilà. Donc il faut connaître les manips, les techniques pour pouvoir après aller en extérieur. C'est sûr, c'est la finalité, quoi. Et si quelqu'un donc a envie de s'initier un petit peu à l'escalade et peut-être même avec vous, où est-ce qu'il peut aller et quand? Alors c'est les mercredis, c'était pour les enfants. Donc je pense que l'année prochaine on devrait rouvrir le créneau des enfants de 17h à 20h, donc suivant les groupes, suivant les âges. Et les ados, donc c'est le vendredi de 18h à 19h. C'est cela, oui. Et les adultes à partir de 19h. Donc voilà, ça c'est... Alors les gamins, on les prend seulement en début d'année. Là, cette année, c'est un peu fini. Par contre, les adultes, là, il y a moyen de découvrir, parce que surtout que l'escalade, comme on le disait tout à l'heure, ça se fait en salle. Mais dès l'instant que les beaux jours arrivent, on va s'éclater dehors. Quoi. Le but de l'escalade aussi, c'est quand même aller vivre une expérience dehors, de nature. Et les plus beaux jours, ils arrivent, c'est en juillet où on sort dehors. Donc l'adulte qui veut vraiment se donner à l'escalade, il faut qu'il vienne, comme disait Arnaud, faire ses bases et apprendre les bases là en ce moment. Il passe 2 mois en salle, donc impeccable. Et puis dès que le mois d'avril arrive, comme une envolée d'oiseaux, il va grimper donc sur les sites extérieurs. Donc ici, il y en a beaucoup. Manon le disait, il y en a qui sont répertoriés, il y en a qui y sont moins. Donc vaut mieux aller au départ sur des sites qui sont répertoriés, qui sont conventionnés, parce qu'on sait qu'ils sont équipés et qu'ils sont bien équipés. Et puis les autres, il vaut mieux éviter ou alors avoir une certaine expérience pour pouvoir les grimper sur des sites où il n'y a pas d'équipement. Quoi. C'est possible, hein. Et en parlant d'extérieur, est-ce qu'il y a un spot extérieur où le groupe aime bien aller en général? Alors chez nous, on a un petit rocher école qu'on a mis en place. Donc justement, c'était dans les années... Alors là, je n'ai pas la date exacte, je sais que c'était avec Francis. Donc c'est au Ménil, où on a commencé à épurer en escalade, c'est-à-dire qu'on y va avec des marteaux et des arrache-clous et des baramines pour nettoyer la roche, tout ce qui va tomber. Ensuite de ça, avec l'aide du comité des Vosges d'escalade, ils nous avaient prêté le matériel et on avait percé, on s'était amusé, enfin amusé, c'est pas considéré amusé, on a percé, on a mis des broches. Et une fois que tout ça a été mis en place, on a conventionné le site donc du Ménil en rocher école. Donc c'est un petit rocher qui se situe à 3 km de la salle Omnisport où c'est qu'on fait escalade. Et l'avantage, c'est que c'est un site où les gamins... et les débutants peuvent se faire extrêmement plaisir, tout en totale sécurité. Et après, on a un site qui est pas mal, alors qui est un peu plus, enfin, qui la gamme au-dessus, c'est Saint-Amé. Et après, il y a. On a Épinal où on aime bien encore aller, quoi, la carrière colo. Il y a Germénil, il y a le Moutier des Fées à la Bresse. Enfin, voilà, il y a. Chenot à Dommartin qui est sympa, mais qui coupe bien les doigts, quoi. Mais il faut faire attention, hein, voilà. À cause des petits faucons. On va peut-être faire une première pause musicale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, avec plaisir. Très bien, on va se ressourcer. Alors, Arnaud, t'avais amené quoi déjà? T'avais amené... Deluxe. Oui, Deluxe, Deluxe. Donc, écoute, on va mettre ça et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. De retour sur Radio Guémozo 107 FM dans l'émission L'Heure des Loups. On est toujours avec le groupe de Grimpe du Tio. Et si vous voulez réagir sur notre émission, vous pouvez nous écrire sur Facebook ou nous appeler au 03 29 62 40 40. Alors on parlait juste avant la pause, on parlait du mur extérieur, c'est ça ? C'est ça même. Et on parlait de mur globalement, et maintenant tant que j'y pense, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a chacun votre tour, hein, poussé à grimper, et qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice ? Ah, vas-y Manou, vas-y. Ce qui nous a attiré, moi avant de venir au club, au Tiogramme, je grimpais dehors. Enfin, je n'ai jamais fait de club avant, ça fait quoi maintenant que je suis au club ? 6 ans, peut-être, à peu près, même plus que ça ? Je pense un peu plus. Un peu plus quand même ? 6 ans et demi. 6h30, ok. Merci Patrick. moi je grimpais, j'ai jamais fait de club avant, donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris déjà au centre aéré, parce que j'étais moniteur au centre aéré, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire l'escalade. Et après, ça m'a plu. Puis après, on a eu l'occasion avec Laetitia, qui est ma nièce, de se dire, ah, tiens, on va aller faire un tour au club, et puis voir comment ça joue, et puis... aujourd'hui, je suis encore là. J'ai même passé mon initiateur il y a 5-6 ans aussi, donc aujourd'hui... Tu nous encadres. Je vous encadre. C'est avec Patrick, on est les deux, on peut dire, entre guillemets, les deux formateurs. Formateur est une grande chose, c'est surtout encadrant, quoi. Oui, montre quand même les bases, quoi. On fait attention à tout ce qui se passe. Pour s'assurer que tout le monde grimpe en sécurité, c'est ça ? D'une part, et puis en plus de ça, là, comme je disais tout à l'heure, on fait partie d'une fédération qui aujourd'hui qui est en pleine évolution, qui aujourd'hui essaye de, de, d'avoir des que tout le monde parle le même langage au niveau que ce soit sécurité, que ce soit grain, que ce soit philosophie de l'activité. Et de plus en plus, on, du fait qu'il y a une grande capacité à grimper, on est plus assujetti à l'accident. Et pour éviter l'accident, il faut des bons formateurs. Et la FEDE, la FEDE s'est donné le droit, le titre, ou je ne sais pas comment elle explique ça, que les gens soient aujourd'hui diplômés et diplômés recyclés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, on pouvait passer un diplôme, vous l'aviez pratiquement à vie. Aujourd'hui, ce diplôme doit être recyclé tous les 4 ans. D'ailleurs, on sort de recyclage. Alors, on sort de recyclage il y a une semaine. Il y a une semaine, exactement. Donc là, c'est un gage pour le club déjà d'un gage de qualité. Oui. Moi, je sais que depuis 20 ans que je suis dans l'enseignement des sports et puis des sports à risque, que ce soit en l'occurrence le judo, l'escalade, le VTT, je pense qu'il faut tout sans arrêt se recycler. Ça permet d'être à la page et de parler toujours le même langage. Parce que quand on a affaire à des gens comme Manolo et par rapport à Nina, qui est juste à côté de moi, beaucoup plus jeune, il faut sans arrêt se remettre en question juste sur l'évolution de la grimpe, sur l'évolution des techniques. D'ailleurs, il y a encore 8 jours, on apprenait, pas de nouvelles techniques, mais de sécuriser encore plus, tout en étant toujours le plus professionnel possible. Voilà, donc ça, c'est l'avantage, quoi. Bien sûr, parce qu'on ne le répétera jamais assez, hein, l'escalade, c'est un sport un peu à risque, ou même à risque tout court. C'est à risque. Donc... Quelle que soit la hauteur, tout à l'heure on disait, le travail de bloc, d'ailleurs dès l'instant que vous grimpez sur une chaise, ça s'appelle de l'escalade, et le fait de tomber de chaise, il y a beaucoup de personnes qui se font mal. Donc imaginez que lorsqu'on fait du bloc à 4 mètres, et quand on grimpe, que ce soit en salle à 7 mètres, et puis quand vous allez dehors comme à Saint-Amé à 25 mètres, ou à la carrière colo à 40 mètres, la chute peut être... plus ou moins grave de la hauteur que l'on tombe. Oui, bien entendu. Donc, Manu avait dit pourquoi il s'est mis à l'escalade. Donc, Nina, tu t'es pas encore exprimée. Donc, on t'écoute. Alors, moi, je me suis mis à l'escalade parce que j'avais découvert en début d'année et ça m'avait plu. Donc, je voulais aller faire deux séances d'essai. Et suite à ces deux séances, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai continué. Et ça fait 8 ans que j'en fais maintenant. Ah oui, donc ça fait un sacré bout de temps maintenant. Ouais. C'est presque l'ancienne du club. On va mettre bientôt la médaille des 10 ans. Une jeune qui est là depuis longtemps. Qui était la même avant moi. Tout à fait. Ouais, bah oui. Toi, Patrick, je pense que... Oui, tu avais expliqué pourquoi... Moi, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans, j'ai l'impression. J'ai découvert l'escalade, j'avais 16 ans, c'était au cours, on faisait ce qu'à l'époque on appelait ça le judocathlon. Et c'était mon prof de judo, qui était en même temps aspirant guide, qui nous faisait découvrir différentes activités à la fin de la saison. Et il y avait un atelier, c'était l'atelier escalade, c'était à Saint-Amé. Et j'ai eu la peur, et je me rappelle comme si c'était hier, la peur de ma vie, parce qu'il m'avait demandé, quand j'étais arrivé en haut de la roche à 25 mètres, de me mettre en arrière pour redescendre. Et pour moi, ce n'était pas naturel, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, jamais je remonterai sur un mur, jamais je referai de l'escalade. Ouais. Et on va dire 15 ans après, lorsque de nouveau je suis reparti en formation pour un BE judo, j'ai eu la chance d'avoir un prof d'anatomie qui nous formait parallèlement à l'escalade. Et j'ai dit, allez, je retente le coup, je suis un peu tête brûlée. Et là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est éclairé, il y a un plaisir, l'adrénaline, je pense, je pense que c'est ça. Je pense que c'est d'ailleurs tous les sports que je fais, il faut qu'il y ait un risque. Enfin, un risque calculé. La preuve, c'est que à chaque fois que j'ai découvert un sport à risque, je me suis formé. Apprivoisé. Non, pas apprivoisé, mais je l'ai donné aux autres. C'est-à-dire que j'ai fait découvert. Aux autres. Voilà. Mais tout en étant le plus sécuritaire possible. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est le voilà. Voilà pourquoi j'ai fait de l'escalade et puis que je pense que je continuerai encore parce que c'est cette adrénaline qui me pousse à aller de plus en plus loin. Je te remercie, c'est intéressant. Et toi Arnaud, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans l'escalade ? Moi c'est le père Anina en fait qui m'a fait tomber dedans. En fait il était rentré au club il y a 4 ans de ça, enfin lui 5 ans. Et il était un peu tout seul de son gabarit. Il dit, allez, faudrait que tu viennes, faudrait essayer, qu'on essaye ensemble. Je dis, bah oui, pourquoi pas, hein, on essaye. Et puis moi, j'avais envie de me remettre un petit peu au sport. Hein. Ça faisait des années, comme un peu beaucoup de monde, je pense, on fait plus trop de sport. Et puis je dis, bah oui, pourquoi pas, on y va. Puis depuis, bah, je crois que ouais, c'est un peu comme Patrick. C'est, une fois qu'on est tombé dedans, on n'en sort plus, quoi. On y est bien, voilà. Et puis depuis, je n'ai pas lâché. Ah, et puis on est un bon groupe. Oui, et puis il y a ça, oui. Enfin, au club, il y a le club, il y a l'encadrement, puis il y a l'ambiance au club aussi, quoi, qui fait qu'on a envie d'y rester. Et d'ailleurs, globalement, en parlant du groupe, comme tu le disais, Manu, il y a plus de jeunes, plus de vieux. Il y a quoi, en fait, globalement? Qu'est-ce que t'appelles vieux? Enfin, vieux. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais des adultes et des pas adultes, on va dire. Non, moi je pense que l'avantage de cette année, c'est qu'il y a certains jeunes comme Nina qu'on a fait monter dans le groupe adulte, qui voilà, qui ont quand même quelques années de grimpe, et ça apporte, oui, ça rapporte du jeune, mais non, ça apporte. Après, pour l'escalade, il y a pas d'âge, Là, dans le groupe adulte, on a une moyenne d'âge, je sais pas, moi d'une vingtaine d'années, je suis sûr. Après, le plus ancien, c'est moi, quoi. Après, si on regarde les autres, ils ont tous entre 20 et 30 ans. Il y a les autres en dessous, ben, il y a qui? Il y a Sylvain, Nina, Johanna, tout ça. C'est quoi? C'est entre 14, 15 et 18 ans. Donc, c'est vrai que. Oui, c'est une moyenne d'âge très jeune, quoi. Après, on a eu une année, oui, où on était plus. Des quarantenaires, voilà, des vieux, comme dire. Des gens d'expérience, je dirais. Voilà, les gens d'expérience. Et je pense que de temps en temps, pour que le groupe soit bien homogène, il faut justement des jeunes, des moins jeunes, de manière à ce que chacun amène l'ambiance, amène peut-être aussi freine les autres, hein, parce que bien souvent, les jeunes, il faut les freiner. Donc, et les vieux, il faut les motiver. Peut-être aussi, aussi oui, mais de y temps en temps, c'est vrai. Bon, il y a des jeunes qu'il faut motiver aussi, hein, parce qu'il y en a. Mais c'est tout. Je dirais c'est tout l'avantage, mais je pense que toutes les associations sportives génèrent le même enthousiasme. Peut-être que l'avantage de l'escalade, je dirais, il y a un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'été, on va dehors. Et ça, je crois que grimper en salle, ça va, voilà, c'est bien l'hiver, ça donne une bonne préparation, qu'elle soit physique, qu'elle soit technique. Mais l'idée quand même fort, c'est quand même d'aller... avec son sac à dos, sa bouteille, son sandwich, au pied des falaises, et d'être en totale harmonie avec la nature. Ça, je trouve, c'est quelque chose de formidable. Ça permet de ressourcer, ça permet de s'échapper, et puis en même temps, ben, ça donne une certaine subtilité à l'activité. Voilà, ça, c'est ce que je ressens aussi, et je pense que c'est les adultes qui ressentent ça aussi. Ah, et puis l'adrénaline n'est pas la même. Hein. Après, quand on se retrouve en salle avec un petit mur de 7-10 mètres, et puis qu'on se retrouve dehors avec 30-40 mètres, ça fait partie de se donner un peu d'adrénaline, un peu de chocotte. Hein? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Nina? Oui. 40 mètres, c'est pas pareil qu'à 7 mètres. C'est sûr. D'ailleurs, tant que j'y pense, c'est un sondage un petit peu, mais une préférence pour grimper en intérieur ou en extérieur? Oh, extérieur. Extérieur. L'intérieur, c'est bien beau, mais bon, manger un mur ou un plafond, c'est pas le top, quoi. Ouais. L'avantage, c'est que dehors, on est au soleil. Moi, ça dépend de la température. Là, en ce moment, je préfère être en salle. Non, c'est vrai que c'est je pense que... C'est plus agréable. Hein. C'est plus agréable, mais on s'aperçoit de plus en plus que... Et justement, c'est peut-être pour faire rebondir un peu Arnaud, on a de plus en plus de gens, de personnes... plus ou moins jeunes, hein, il n'y a pas de différence. On le voit dans les grandes villes où il y a de plus en plus de salles qui se créent avec des gens qui veulent faire de l'escalade mais en salle et qui ne veulent pas aller du tout dehors. Ah, moi j'ai un collègue, c'est donc, ça. Hein. Donc je pense que c'est un peu je pense que c'est l'avenir de l'escalade. On ne va pas dénaturer la nature, ce n'est pas l'histoire de ça, mais je pense que de plus en plus dans les années à venir, l'avantage, c'est ce genre de structures qui vont être devant, je pense, l'escalade. Et je pense que la Fédé, là-dessus, l'a bien compris aussi, quoi. D'ailleurs, c'est dans 2 ans, hein, je crois que ça, on regardait l'autre fois, c'est au JO, donc ça risque encore de grimper un cran de plus. Et grâce aux salles, ça va encore monter, quoi. D'accord, bah on va parler, je pense, de ce projet de nouvelle salle juste après la deuxième pause musicale. Alors, Patrick, tu as proposé Without You de U2. Oui. Ouais. Eh bien, écoute, on met ça, on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. À toutes. Without you. Et vous êtes de retour sur Radio Guémouze au 107 FM pour l'émission L'Heure des Loups, toujours en direct de 18h à 19h. Non, on évite de toucher les micros, hein. Ça fait du bruit sur la table, Patrick. Merci Patrick. Alors, si vous voulez, vous pouvez réagir à notre émission sur Facebook, donc sur la page Radio Guémouze, comme d'habitude, ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. On était en train de parler toujours d'escalade, hein, bien entendu, c'est le sujet du jour. Et Arnaud est venu avec un projet, c'est bien ça ? Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton projet qui s'appelle Débloque un mur, c'est ça ? C'est ça. Alors, en fait, je suis parti d'un constat dans les sorties que je faisais, pas forcément avec le club, mais en dehors avec ceux du club et d'autres amis. Qu'on avait du mal à trouver dans la mauvaise saison, on va dire, des autres murs que celui du club pour aller s'amuser sur d'autres styles de murs, sur d'autres choses comme ça. Sur les Vosges, il y a une grosse difficulté à trouver un mur, à trouver même une salle où on a facile d'accès pour aller grimper. Parce que là, en l'occurrence, les murs qu'il y a dans les Vosges, c'est soit au club, donc il faut être adhérent au club. À moins d'être adhérent à tous les clubs des Vosges, c'est pas évident. Il y a le complexe à la Bresse et à Jaramé qui ont des petits murs, mais on dépend des horaires d'ouverture des complexes. Donc c'est pas forcément évident. Et du coup, j'ai lancé, là pour l'instant, c'est une enquête pour faire une étude de marché sur le fait de monter une salle où on pourrait retrouver du mur de difficulté, du mur de bloc et le plus de la salle, ça serait aussi l'escalade ludique. Donc c'est un concept un peu importé, on va dire, de l'Europe du Nord, où c'est apprendre l'escalade ou s'amuser à l'escalade en famille, entre amis, donc essayer de réunir tout ça dans une salle dans les Hauts-de-Vosges. Et est-ce que tu as une idée de la salle, enfin de là où elle pourrait se trouver, cette salle ? Alors ce qui me tient à cœur, c'est que ça reste sur les Hauts-de-Vosges, pas partir sur des grandes villes, Épinal, Nancy, Mulhouse. C'est essayer de garder ça par chez nous, quoi. Enfin, c'est garder de l'attractivité pour les Hauts-de-Vosges. Donc après, pour l'instant, il y a quelques idées, ça commence un peu à se débloquer par rapport à l'enquête que je mène et puis par rapport à l'étude aussi, quoi. Donc, pour l'instant, c'est pas trop défini, c'est juste sur les Hauts-de-Vosges. Mais d'ailleurs, il y a d'autres salles comme ça en France ? Ah oui, c'est quelque chose que, comme disait Patrick, c'est en train de se développer à vitesse grand V. Là, en l'occurrence, il y a une salle qui s'est ouverte à Colmar. Mais bon, pour nous, ça fait encore facilement une heure et demie de route pour aller là-bas. Oui. Il y a une belle salle qui s'est ouverte là-bas où ils font difficulté et bloc. Et sinon, avant qu'il y ait Colmar, c'était Strasbourg et Nancy, quoi. Donc vraiment très loin. Il y a d'autres projets, mais c'est pareil, c'est des projets qui sont un minimum une heure et demie de route à Mulhouse ou des choses comme ça, mais ça reste très loin, quoi. Et ces salles-là, globalement, elles fonctionnent quand même bien ? Ah oui, c'est des choses qui marchent très très bien, quoi. Ça, c'est aujourd'hui, comme disait Patrick tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui aiment grimper, mais qui n'aiment pas aller spécialement grimper dehors. Eux, c'est faire de l'escalade, mais ils préfèrent rester en salle. Et l'avantage qu'il y a en salle, c'est qu'on peut grimper n'importe quelle saison de l'année, quoi. Et ça, c'est un plus. Et ce qui rassure les gens, c'est en salle, ils se sentent plus en sécurité, forcément, parce que... Il y a des tapis, tout est mis en œuvre pour grimper en sécurité, quoi. Et qu'est-ce que je voulais te demander déjà ? J'ai un trou. Ça arrive. Oui, ça arrive à tout le monde. Surtout aux filles. Après, si les gens sont intéressés, j'ai créé une page sur Facebook, Débloque un mur. Il suffit de chercher Débloque un mur. Et puis si ça leur tient à cœur, c'est répondre aux petits questionnaires. Comme ça peut faire avancer les choses aussi, quoi. Voilà, ça tombe bien, c'est exactement la question que je voulais te poser. Et tu as dit sur Facebook, c'est quoi le nom de ta page ? Il suffit de taper Débloque un mur et on trouve la page, quoi. D'accord, donc pour toute personne qui veut répondre à ce sondage, à cette étude de marché, c'est par là. Alors c'est un mur, c'est avec le chiffre 1, pour faire quelque chose d'amusant. En espérant que ton message soit entendu. en espérant que plus de monde réponde à cet appel. Bon, après, il me semble qu'il y a déjà certaines personnes qui ont répondu, non ? Oui, le questionnaire avance bien. On ne doit plus être loin des 500 réponses. Donc oui, et puis tout le monde, enfin toutes les réponses sont dans l'ensemble assez enthousiastes au projet. Donc c'est encourageant. Donc on a hâte d'en savoir plus. Hein. Peut-être qu'on te retrouvera une fois que le questionnaire sera rempli, qu'on pourra peut-être mettre le projet en route. Tu viendras nous reparler de tout ça peut-être. Pas de souci. et on retourne encore une fois à parler d'escalade, mais on rappellera, t'inquiète pas, on rappellera ton projet vers la fin de l'émission. Oui, on parlait en fait d'escalade, de grimpeurs, et on a parlé de... Enfin, est-ce que l'escalade, c'est un sport adapté à un certain type de personne ou pas ? Ben, moi, non. Je trouve que non. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu tout le monde vient, essaie, et puis il n'y a pas, non. Non. L'avantage, moi, je sais que moi, depuis que je fais de l'escalade, aujourd'hui, je sais que j'avais des gros problèmes de dos. Je sais qu'aujourd'hui, c'est... L'escalade, l'avantage, c'est que... On s'allonge pour grimper, donc on a vachement moins de tassements. Et puis, pour moi, spécialement pour moi, moi-même, mais je sais que ça m'aide vachement dans la vie courante, quoi, de ne plus avoir mal au dos. Après. Parce que il y a ça, puis le palier qu'il faut passer, c'est le vertige. Hein, beaucoup de gens, quand on parle de l'escalade, non, j'ai le vertige. Et c'est. Alors avoir le vertige, c'est déjà une chose, hein. Je pourrais voir un spécialiste de ce que c'est que le vertige, mais je pense que c'est plus une appréhension. Sur du vide, oui. Alors que ce soit du vide, de la chute, de on n'a pas confiance. Même moi aujourd'hui, quand je grimpe avec quelqu'un que je ne connais pas, je fais toujours un test à mi-hauteur de savoir si la personne répond, parce qu'il y a une histoire de confiance. L'escalade, on va revenir dans peut-être la partie un peu plus technique, c'est l'histoire de deux personnes. Alors, surtout si on grimpe avec corde et sur une certaine hauteur. Donc, c'est le grimpeur et l'assureur. Il faut qu'il y ait une symbiose entre les deux, une confiance entre les deux. Quand vous grimpez avec un partenaire dont vous connaissez, que ça fait un petit moment, ça se passe super bien. Avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que c'est la première fois que vous assurez, il y a un temps de latence. Enfin, pour moi perso, après, je pense que... Voilà. T'aimes bien les micros. Oui, hein. Ils mentent bien. Mais, voilà, donc, voilà c'est ce que je voulais dire donc, au niveau de l'escalade. Maintenant, au niveau du physique, c'est vrai que, comme toute activité sportive, il y a un échauffement donc, que l'on fait juste avant l'activité. L'avantage de l'escalade, c'est qu'on travaille beaucoup tout ce qui est, alors bien sûr, élongation, mais on travaille beaucoup aussi tout ce qui est musculaire au niveau des bras, surtout au niveau des cuisses. Au niveau du placement, donc ça donne un certain équilibre sur certaines positions. Voilà, donc ça, c'est tout la complexité de l'escalade au niveau effort physique, je pense que là-dessus. Ouais, c'est un sport qui est complet et au niveau physique, oui, au niveau maintien, enfin, c'est un sport qui est complet et en même temps qui n'est pas forcément violent, quoi. On peut se faire violence. Hein. Oui, on peut se faire violence, mais au niveau physique, c'est quelque chose qui est complet et pas violent, quoi. Oui. Et c'est un très bon sport, je dirais aussi, pour quelqu'un qui veut, comme je disais tout à l'heure, pas s'oublier, mais vivre avec la nature, en étant complètement zen de l'autre côté. Oui, l'escalade, c'est aussi un état d'esprit. Quoi. Voilà, tout à fait. Et je pense que chez les jeunes, c'est ce que vous recherchez aussi, les jeunes. Oui. Un petit oui, Nina. Oui. Vas-y, exprime-toi. C'est ça qui serait bien de savoir, c'est qu'est-ce que tu recherches dans l'escalade, cher ami ? À part les copains. Moi, la performance. Enfin, je veux évoluer. Voilà. L'évolution. Beaucoup. Donc après, chacun trouve hein, dans l'escalade. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus le côté adrénaline. Nina, c'est performance. Manolo, c'est certainement un peu plus la technicité. Vous avez Arnaud. Bah, lui, ça va être l'approfondissement dans la recherche pour pouvoir, avec sa salle, trouver des petites astuces, des petits moyens pour pouvoir donner le plaisir aux gens. Donc voilà, chacun trouve un peu, toi, Lou, c'est certainement autre chose. Oui. Chacun trouve sa pièce. Oui, t'as pas parlé de toi aussi. Voilà. Nous, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu penses depuis que tu fais partie de l'escalade, du groupe, je sais pas, est-ce que ça te plaît bien, vraiment qu'est-ce que tu as trouvé chez nous, quoi. Bon, déjà, techniquement, je suis pas censée parler de moi parce que je suis animatrice, mais puisque vous me posez la question, hein, je vais quand même y répondre. Hein, parce qu'après tout, c'est vrai que les auditeurs aussi ont le droit de savoir. L'escalade, je l'ai commencé en fait pour avoir plus confiance en moi, en fait. parce que j'arrivais pas à franchir le cap pour passer mon permis de conduire. J'avais une peur panique d'apprendre à conduire. Et puis je me suis lancée. Et puis c'était vraiment des challenges pour dépasser mes peurs. Et voilà. Et puis permis du premier coup. Donc je pense que ça a payé. Donc voilà, l'escalade, c'est pour le permis de conduire aussi. Non, voilà, c'est pour la confiance en soi, en fait. Oui, voilà, oui. Confiance en soi, oui. Oui, chacun peut y trouver. Ah, bah si on a réussi à t'aider à avoir ton permis, c'est cool. Ah, ça, c'était pas vous, hein. Je l'ai passé avant de vous rencontrer. Oh, ben, c'est pas nous, alors. Mais après, non, ça permet de continuer à se dépasser. Et, je pense que c'est votre cas aussi, mais d'arriver en haut d'un mur, quand on est en bas, on se dit bon sang, j'y arriverai jamais, je vais me faire mal et tout. Et qu'on arrive en haut et la bouffée d'adrénaline en se disant waouh, je l'ai fait, quoi. C'est vrai. Et je pense que c'est quelque chose aussi que je souhaite aussi à nos auditeurs de vivre parce que c'est émotionnellement très très fort. Et quand on arrive à passer une voie qu'on n'arrivait pas genre il y a une semaine et qu'on la passe, c'est gratifiant. Ouais, ça. C'est ce que disait Nina en cherchant la performance, parce que dans l'escalade vous avez donc une cotation pour nos auditeurs qui nous écoutent. En escalade on appelle on a une barrière de cotation qui commence à 3 qui va aujourd'hui jusqu'à 9B. Et à chaque fois que vous passez. Oui, aujourd'hui. Oui, maintenant, oui. 9CG. Oui, Adam Ondra a sorti une nouvelle. Chaque fois que vous passez donc un échelon donc, de difficulté. Donc voilà. Et entre ces échelons, entre 3 et 4, par exemple, vous avez ABC. Oui. Donc c'est 4A, 4B, 4C. Alors suivant le mur, suivant le rocher, suivant l'aspérité, puis suivant aussi ceux qui ont coté cette voie, bon, en règle générale, un 4A pour moi va être peut-être un 4B pour Arnaud et un 4C pour Nina. Vous voyez, mais en règle générale, ça reste un peu bien du tout. Voilà. Et aujourd'hui, donc, voilà, ça monte jusqu'à 9B, tu disais ? 9C. Voilà. Julia a réussi à faire un 9C en tête. Donc aujourd'hui, on a des petits singes sur les murs. Moi, quand j'ai fait l'escalade il y a 22 ans, quand j'ai passé mon initiateur, on parlait de 8B. Et j'avais été voir à l'époque à Pont-de-Roi d'un 8B, je me demandais comment les gens pouvaient s'accrocher dessus. Donc à part là. Et aujourd'hui on parle de 9C. Alors 9C, c'est, je ne sais pas si on peut expliquer la difficulté, c'est si vous voyez un mur plat, bah c'est plat. Voilà, avec quelques petites aspérités. Voilà, donc c'est le... Mais quand vous sortez, je pense à 9C, vous êtes grand. Donc, donc pour résumer aussi à nos auditeurs, hein, plus les cotations sont élevées, donc de 3 vers 9, plus c'est technique et compliqué et difficile. Ça demande aussi de la force, de l'agilité, de l'équilibre. Après, l'avantage, moi je dis que aujourd'hui on cote les voies, c'est en tête. Donc en tête, ce qu'on appelle, il y a deux manières, il y a la moulinette où la corde est déjà installée au-dessus puis on grimpe, voilà, la corde. C'est elle qui vous amène un peu vers le haut. Et vous avez la tête qui est, en grimpant, on passe la corde dans des gaines pour pouvoir installer la corde au fur et à mesure d'avancer. Donc, ceux qui sortent des vraies voies, comme là, Julia qui a sorti un 9C, voilà, c'est en tête, quoi. Au fur et à mesure, c'est elle qui installe sa corde, quoi. Donc, c'est vraiment... ça n'a rien à voir de grimper une voie en moulinette. Si on grimpe une 6A en moulinette et une 6A en tête, on l'a fait à côté en tête. C'est deux choses différentes. Très différentes. Ouais. Après, pour le physique, pour moi, il n'y a pas forcément besoin de travailler le physique, à moins d'aller sur du 7, 8, 9. Ouais. C'est juste de la technique, puis avoir confiance en soi, quoi. Il faut y aller. Et tant que j'y pense, vu que tu dis que ça demande non plus pas un entraînement de malade, il n'y a pas besoin de faire un sport complémentaire à côté de l'escalade ? Après, si vous voulez, on est dans tous les sports de petit, moyen et haut niveau. Si demain vous faites du sport de haut niveau en cherchant de la perf, vous êtes obligé de mettre ça avec de la musculation et puis de la musculation spécifique à l'escalade. On ne peut pas aujourd'hui aller se dire, tiens, demain je vais faire un 7, le niveau 7, en grimpant qu'une fois par semaine en salle. Non, ça c'est impossible. Ou alors vous avez... une morphologie qui est typique, mais en règle générale, si vous voulez aller dans la perf, il faut vraiment s'adonner au moins 3-4 fois par semaine, plus un sport à côté, et en règle générale, c'est la musculation qui va apporter justement ce petit plus pour pouvoir passer un échelon, quoi. D'accord, donc escalade plus muscu, c'est un... Dans la perf. Un duo gagnant. Vraiment, voilà, dans la perf. Après, c'est pour s'amuser, il n'y a pas besoin. Oui, oui, bien sûr. Pas le simple échauffement, mais le petit échauffement que je fais, moi, tous les vendredis soirs, gainage, voilà, échauffement, machin, les pompes, les, tout ça, c'est déjà pas mal. Ça en calme déjà quelques-uns qui galèrent déjà, quoi. Hein, n'est-ce pas, Lou? Oui, en effet. Ah bah, tout le monde n'a pas le même niveau, mais... Non, bah voilà, c'est pour ça que chacun fait à son niveau, et puis celui qui veut évoluer, ben, on le voit, hein, celui qui veut... qui évolue, c'est qu'il a la rage, il mord dedans, quoi. Donc, Oui, tu le disais, les évolutions, ça peut être plus ou moins rapide, ou c'est encore une fois en fonction de chacun? En fonction de chacun, la volonté de la personne. Je pense que si la personne est fin motivée, puis qui a envie d'évoluer, voilà, celui qui a envie de juste grimper pour le plaisir, ben, lui, il évoluera, mais au rythme de sa manière de grimper, quoi. Oui, parce que, oui, enfin, l'escalade, c'est... J'irais presque 80%, c'est dans la tête. Hein. C'est, voilà, après, c'est celui qui vais ou j'y vais pas. Parce que c'est, voilà, c'est... Bah, on n'y va pas. On n'a qu'à mettre encore une dernière pause musicale avant de conclure notre émission. Pas de souci. Allez hop, donc Manu, t'avais proposé Ce gamin-là de Boulevard Désert. Donc on met ça et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Je vois un enfant qui se traîne jusqu'à la cour. On dirait que sa mère l'emmène jusqu'au vautour. On dirait qu'on joue une scène qu'on connaît tous. Et c'est toujours les mêmes acteurs autour. Et y'a le monsieur qui tape des mains, et c'est pas le son qui le prend, mais c'est toujours le même refrain. Quand monsieur tape, l'école reprend. Et ce gosse là c'est moi, je le vois comme un inconnu. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et dit petit, te rappelles-tu? Voilà, voilà, ce gamin là c'est moi. Voilà, voilà, ce gamin là s'en va. Voilà, voilà, ce gamin là c'est moi. Voilà, voilà, ce gamin là s'en va. De retour sur Radio Gémozo 107 FM dans l'émission L'heure des loups qui arrive tout doucement à sa conclusion. Donc si vous voulez toujours nous écrire sur Facebook sur notre page Radio Gémozo ou nous appeler au 03 29 62 40 40, c'est bienvenu, hein, il n'y a pas de souci pour nous envoyer un petit message. Donc on est toujours en train de parler du club d'escalade du Tio. Et tant que j'y pense, c'est quoi en fait le but du jeu en escalade ? Nina. Alors pour moi, c'est d'aller en sport-études l'année prochaine, en section montagne, donc en grande partie escalade, et pouvoir y rentrer grâce à l'escalade. Et d'ailleurs, ça va te mener à quoi de faire une section sport-études au lycée ? À déboucher sur des métiers dans le sport ou des trucs comme ça. D'accord, bah c'est un sacré projet. Oui. Mais, oui, et je voulais dire oui, globalement, en fait, pour tout auditeur qui nous entend, le but du jeu en escalade, c'est quoi ? Le but du jeu en escalade, c'est de sortir la voie qu'on attaque, quoi. Donc, arriver en haut. Oui, ça peut être un des objectifs, mais des objectifs, ils sont multiples. Il y en a, c'est rechercher un plaisir, il y en a, c'est rechercher la nature, il y en a, c'est rechercher de la technicité dans tous les appareils que l'escalade propose. Il y en a que c'est d'aller en haut, il y en a que c'est de faire du rappel. Il y en a tout simplement, c'est de faire partie d'un groupe. Donc il y a plein d'objectifs qu'on peut développer au niveau de l'escalade. Maintenant, l'outil donc c'est la grimpe. On propose aussi de temps en temps, moins cette année, enfin puis moins l'année dernière malheureusement, on avait proposé donc de l'alpinisme, parce que la Fédération française de montée d'escalade réunit donc bien sûr l'escalade entre autres, mais réunit aussi le ski de randonnée, la raquette à neige, l'alpinisme, le VTT. Il m'en manque encore deux, je crois, de mémoire. Donc c'est un peu l'histoire de ça, c'est la famille, c'est d'essayer de proposer à d'autres activités que l'escalade, qui est en rapport avec l'escalade. Donc voilà, c'est un peu le but. Donc vous voyez, ils sont multiples. Mais chacun, je pense qu'Arnaud a certainement aussi un autre but ou un autre passion qui amène avec l'escalade. Oui, et d'ailleurs, si un auditeur a envie d'essayer l'escalade avec vous, comment est-ce qu'il peut vous joindre et où est-ce qu'il faut qu'il aille ? Pour nous joindre, on est là, nous on a la salle du TIO tous les vendredis soirs, moi j'y suis à partir de 18h avec les ados jusqu'à après 21h avec les adultes, donc soit il vient là et puis il essaye, sinon je pense qu'il peut aller sur la page du TIO, de la ville du TIO, et puis avoir les coordonnées soit de Patrick qui est président, ou se renseigner à la mairie du TIO, et puis voilà. Ou sur le site de la Fédération française de la montagne d'escalade, le club, il y a toutes les coordonnées du club, du président, et puis les numéros de téléphone. Quoi. D'accord. Et on répète encore une fois, donc si un auditeur a peut-être envie d'avoir un super mur spécialisé, Arnaud, où est-ce qu'il peut répondre à ton étude de marché ? Alors sur Facebook, j'ai créé une page qui s'appelle « Débloque un mur ». Voilà, il y a dessus, il y aura le suivi un peu de l'étude, comment que ça se passe. Il y a quelques photos de ce que ça peut devenir. Et puis il y a un questionnaire qui peut être intéressant de répondre. Très bien. Je te remercie. Je vous remercie tous d'être venus. Merci à toi. Merci à toi. Merci à la radio. Ouais. Merci à toi, nous. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis, je vais tout doucement proposer le programme de la soirée demain matin. Donc, de 20h à 22h, on a le calendrier des esclavages et des libérations avec François. De minuit à 1h, on a la rediffusion de la bulle de l'IA de ce midi qui a reçu Cédric Taillefer. Et la rediffusion de mon émission, c'est demain matin de 7h à 8h. Et juste après, de 8h à 8h30, il y a la minute bonheur de l'IA. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et à demain. Salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Bye bye.